Je rappelle également que nous sommes accompagnés tout au long de cette journée avec la grande famille du cirque. Je vous le rappelle, Paul Régis et Bartholomew Santano, rendez-vous avec eux pour découvrir deux numéros de cirque qui sont en déambulation sur la vie du soir et surtout sur le marché du soir à l'occasion de ce salon. Vous pourrez les retrouver très rapidement si encore une fois vous êtes sur le marché du soir. Ah, le petit déjeuner, j'ai dit que j'avais de l'animation. Le 13 novembre, le 13 novembre, il y a la ronde des sorcières. Oui. J'ai dit que ça y avait fait ça. Le colon, mais là, j'ai vu. Ah, ça va pas durer plus tard éternel cette affaire. La petite souris. Trois gamins accrochés. Bonjour, monsieur. Cheese Festival a une soirée la semaine prochaine. Merci. On va sur la Dans le cadre d'Octobre Rose, participer au site financier, la lutte contre les buts d'inscription sont assis devant l'office de commerce. Soit vous choisissez la taille de votre t-shirt, par exemple, on vous le remettra et on vous donne rendez-vous pour le départ après cette rencontre de cette marche. Il a plus sa tête. Thank you. Combien de chiens ? Comme on va au restaurant, on l'a vendu. Thank you.